Voyons de plus près ce qui concerne le pointeur, le joueur qui a la charge de lancer ses boules le plus près du bouchon. Allez-vous, escampe le bouchon! Vas-y, lance le cochonnet. Le bouchon de la pétanque n'est pas en liège, mais généralement en buis, bois réputé pour sa solidité. Le terme bouchon est le produit de la francisation du provençal bouchon, diminutif de butch, boule. Un bouchon est une petite butch, une petite boule. Les premiers bouchons étaient en pierre et on disait la lèque, qui par glissement est devenue le lait. La langue des anciens est pour l'essentiel orale et les nouvelles générations, habituées au français, ont parfois compris le lait, L-A-I-T. Du coup, le verbe téter, lorsque la boule colle au lait, prend tout son sens. De même, un tétaille est aussi bien un point qui tète au bouchon qu'un joueur coutumier de tel point. J'ai fait un tétaille, j'ai embouchonné. Lui, c'est un tétaille, il n'arrête pas d'embouchonner. Un nari, c'est quand tu embouchonnes, entend-on couramment du côté de Nîmes ou d'Alès, quand la boule donc colle au bouchon. Un nari, c'est quand tu as mal pointé ta boule, elle est très à l'écart du bouchon, assure-toi un peu partout ailleurs. C'est aussi ce qu'on lit dans tous les dictionnaires du jeu de boules. Court est un terme français, mais c'est aussi un terme régional. Les anciens qui parlent patois disent si est-ce court, tu es court, ta boule est 1 km devant le bouchon. On lui dit tu es de Courthézon, nom d'un village de Vaucluse. Quand j'ai commencé à jouer, un vieux du village m'a dit petit, n'amois jamais ta boule dans un endroit que l'eau y restait. En effet, la boule se tanque facilement dans le mou. Le contraire de jouer court, c'est bandir, lâcher. Il a bandi sa boule, elle est allée trop loin. Une boule bandie est peut-être une boule qui a été jouée trop fort, mais peut-être aussi une boule qui est malencontreusement tombée sur un graton, un closque, un code, un caillou et qui a fusé.